Abre a chave, se o ar, mostra que chegando na imunete, lança o fonema, o mente, o mês, que condição da sabe, sem se marrer. E puis je reparo, si c'est, quatre litres de pastis que t'as bu sans eau, et tu sais que je traîne avec des gars plutôt foulés, que fait que fuck là, tu voulais tout péter, les steaks, tu fais mes lecs, le bill pour moi qui t'électrise, le hobby de fat, de maîtrise, de méprise, tu crises quand je te vexe, mais please, pili pili positif, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et l'espoir fait vivre, donc le serpent se mord la queue, il trouve du plaisir, il serait peut-être temps pour toi, mon dieu, et tes goûts de périr, écoute le délire, let's level à l'anémie, je suis tellement loin, en vrai, je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave, pas de problème, je continue quoi même, déforme les mots, histoire qu'ils collent à mes phonèmes, et quand je suis sur scène, bonne vie, on se ramène, ainsi qu'un peu de weed en général caché dans mes veines, on m'explique que j'ai au bec, que je m'en balais, c'est bien pour moi, et pour tout, t'es gardé tous les mecs, quand je ferme ma gueule, restez correct, et mon fusion en plein deuil, quand j'apprends, tu sais très bien que j'apprends.